un bon produit cosmétique, c'est quoi pour toi? Alors, en une phrase, ça serait le produit que tu pourrais manger et qui ferait même du bien à l'intérieur de ton corps. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. On se retrouve dans cette 58e interview à visage caché toujours pour parler des soins de la belle marque Matière Brute. Bonjour Annabelle. Bonjour Alice. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Moi c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Annabelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir nous raconter, nous parler de ta marque. Merci pour ton invitation. C'est un honneur pour moi de venir parler. Voilà. J'en suis bien contente. C'est Marion qui nous avait fait nous rencontrer virtuellement au mois de septembre quand je l'avais interviewée sur sa marque Oden. Et toi, du coup, tu as créé ta marque de cosmétiques naturels et avec le nom Matière Brute, on comprend déjà la valeur essentielle, retourner à des matières brutes, nobles et aux excellentes qualités nutritives. Parce que dans l'univers de Matière Brute, chers auditeurs, il y a un fort parallèle avec la terre et le domaine de l'alimentation. Les compositions regroupent des ingrédients de saison et les produits cosmétiques sont ainsi en édition limitée selon les saisons du coup. Et en plus, sans ajouter de conservateur, tu vas nous préciser tout ça. Et donc, vous pouvez imaginer, ma belle invitée Annabelle, son âge, son secret pour avoir des cheveux méchés depuis l'enfance et ce que Annabelle aime collectionner sur les plages d'Atlantique. Et pour découvrir Matière Brute, Annabelle met en jeu un de ses produits emblématiques, une crème soin aux ingrédients de saison, celle-ci. Vous pouvez participer au jeu concours sur mon feed Instagram. Merci beaucoup pour ce lot et merci de m'avoir permis de découvrir ton produit. Avec grand plaisir. Et ce que je peux dire pour mon petit feedback, c'est que la texture est vraiment super, elle pénètre facilement. Et au niveau de la senteur, elle est sans parfum donc. Et on ressent les ingrédients bruts dedans, puisque une des spécificités de Matière Brute, c'est que tous les ingrédients utilisés sont... ont des actifs finalement utiles, c'est ça? Absolument, et il y a quand même le parfum de la nature, mais c'est vrai qu'on ne met pas de parfum en plus que les ingrédients qui sont actifs, et on n'ajoute pas donc de parfum synthétique ou d'huile essentielle qui pourrait du coup venir détériorer un petit peu cet échantillon de nature qui arrive dans ta salle de bain. Comment tu définirais ton produit cosmétique, enfin un bon produit cosmétique, c'est quoi pour toi? Alors, en une phrase, ça serait le produit que tu pourrais manger et qui ferait même du bien à l'intérieur de ton corps. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la peau, elle n'est pas complètement hermétique. Il y a vraiment une relation entre le monde extérieur et notre corps à l'intérieur. Et on retrouve même des choses qu'on se met sur la peau dans notre poids. Donc, je pense que c'est vraiment important de revoir, en tout cas, les ingrédients qu'on va pouvoir se mettre sur notre peau en imaginant qu'on pourrait les manger et donc qu'il n'y a pas de produits chimiques, pas de conservateurs, que ces ingrédients te permettent vraiment de faire du bien à ton corps. Donc aussi, pas de pesticides, c'est important, parce qu'on connaît les dégâts aujourd'hui des pesticides sur l'environnement et sur notre santé. Oui. Et alors, c'est ce que propose Matière Brute Lab de différent, des produits qui sont bons même si on les consommait. Oui, c'est vrai que dans notre cahier des charges, on a sélectionné exclusivement des ingrédients qu'on pourrait manger, donc qui ont le label, ils viennent tous de l'agriculture biologique, donc c'est vraiment un des premiers label qu'on va avoir dans notre sélection. C'est vraiment le label AB, voire biodynamique, voire cueillette sauvage. Et ensuite, c'est des formules qui sont vraiment très minimalistes, où on va absolument supprimer tous les ingrédients qui n'ont pas lieu d'être sur ta peau. Et on va aussi s'interroger sur les modes de culture, les modes de transformation, l'environnement où pousse l'ingrédient. Donc ça, c'est important pour qu'il ait vraiment un impact sur la santé de ta peau et du coup sur le fait que tu rayonnes toute l'année. Oui. Il y a un gros travail du coup fait sur la recherche des fournisseurs. Oui, bah, comme tu disais, je pense que le nom, et tu l'as très bien présenté, je pense qu'on pourrait s'arrêter là, mais non, c'était une très belle intro. Merci. Mais c'est vrai que le nom en matière brute dit tout. En fait, avant tout d'être une marque, on est un laboratoire qui maîtrise toute sa chaîne de valeur en amont. Et le gros travail qui est, même si je salue bien évidemment le travail de nos jeunes équipes en marketing aujourd'hui, ça fait depuis peu de temps qu'on fait du marketing chez Matière Brute, mais Ah avant, c'est oui. vraiment tout le travail qu'on a fait, c'est auprès de nos producteurs qu'on est allé rencontrer. On a pu aussi établir un cahier des charges exigeant, comment on fait pour récolter un ingrédient qui va avoir de l'efficacité sur votre peau. Et ça se passe en amont, dans les champs, ça se passe dans la manière de récolter un ingrédient, à quel moment, comment on va le transformer. Ça, c'est vraiment important. Et ça se passe aussi dans le laboratoire, comment on fait pour parfaire ce que la nature nous donne de meilleur, sans, voilà, sans détériorer tout le travail de ces hommes et de ces femmes qui est fait en amont. Et ça, on le maîtrise en fait parfaitement chez Matière Brute. Et oui, parce que vous avez votre propre laboratoire, et ça change beaucoup l'approche qu'on peut avoir quand on crée une marque cosmétique. Oui, bah, c'était pas ce qu'on voulait au départ, mais on a été obligé de le faire parce qu'aujourd'hui, Ah. pour pouvoir vraiment innover, on a dû créer ce laboratoire pour en toute confidence au départ. Moi, je viens pas du monde de la cosmétique, j'ai d'autres, on va dire, savoir-faire. Et quand j'ai eu cette idée de matière brute, donc j'imaginais comme un bon gâteau que tu vas manger. Quand tu fais un bon gâteau, tu mets des œufs, de la farine, du sucre. En fonction de ton régime alimentaire, tu vas vraiment établir une recette bonne, saine, comme tu as envie. Et je me demandais pourquoi, en fait, en cosmétique, on retrouvait absolument plein d'ingrédients dont on ne comprenait pas, en fait, enfin, d'où ils venaient, qu'est-ce que c'était, pourquoi on en mettait sur notre peau. Ça, c'était le premier constat. Et donc, je me disais, voilà, moi, je veux quelque chose de très minimaliste, aucun superflu, que de l'efficacité, que des choses saines pour moi. Et quand je suis allée voir les sous-traitants, ben, tout le monde m'a dit, non, mais c'est impossible déjà, tu veux supprimer les conservateurs. Eh Ben, oui. on peut pas supprimer les conservateurs en cosmétique. Tu veux mettre que des actifs, ben, peut-être ton coût formule, il va exploser. Donc, moi, j'étais un petit peu déconcertée au départ. Et puis, au final, comme quand tu vois une grande montagne à gravir, si tu as un petit peu de méthode et que tu te dis, bon, bah, on va aller voir déjà, on va aller à la rencontre d'experts d'experts français, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la microbiologie, au niveau de la confection et de la formulation de soins, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible, mais qu'il fallait créer son laboratoire et revoir absolument toute la manière dont on avait de confectionner Toute la un soin. chaîne. Voilà. D'accord. Et justement, tu as évoqué l'absence de conservateur. Quel est le secret? Enfin, du coup, tu ne vas pas forcément nous révéler, mais comment c'est possible? Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Alors, parce que je pense déjà que ça ne correspond pas à une logique industrielle. Aujourd'hui, tu as besoin de fabriquer un produit, on va dire une crème, qui va être vendu sur la terre entière. Quand tu es une marque cosmétique, tu peux aller vendre un peu partout si tu respectes la réglementation internationale. Mais cette crème, il va falloir qu'elle Déjà, elle se conserve en moyenne 2 ans entre sa date de fabrication et l'arrivée dans une salle de bain d'un humain. Et donc, Oui. déjà, 2 ans, tu dis Mais ouais, c'est waouh, vrai. c'est une boîte de conserve qui arrive Ouais. chez moi. Et puis, parfois, c'est pas 2 ans, c'est une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus longtemps. Et il va falloir aussi qu'elle soit vraiment stable. Quand tu as découvert un soin, il faut qu'elle ait toujours la même couleur, la même odeur. Donc, on va vraiment venir détériorer la matière première en la désodorisant, en la décolorant et puis en ayant une formule à la fin qui est un peu inerte et avec peu d'actifs. Mais je me perds un petit peu dans. Si tu veux bien me redonner ta question, Michel. C'était le secret finalement Oui, pour le sang nous permettre de conservateur. conservateur. Voilà. Donc là, je viens de décrire un petit peu le processus industriel de la confection d'une crème, vraiment très vulgarisé et Classique, puis très très oui. court. Et nous, en fait, comment on fait pour ne pas mettre de conservateur? À la base, c'est les matières premières qu'on va aller sourcer chez nos producteurs qui travaillent, comme j'ai dit au départ, en minimum en bio, voire en biodynamie, voire encore plus poussé. Mais c'est des personnes qui travaillent extrêmement bien, avec un niveau on va dire, pas de stérilité, parce qu'il y a du vivant, mais ils travaillent très proprement. Donc déjà, la matière première qu'on D'accord. va utiliser au départ, elle est très concentrée. Elle a vraiment, c'est un très beau mélange au départ qui a une très bonne concentration. Et en plus, il n'y a pas de contamination au départ dans les matières premières qu'on va utiliser. Quand ça arrive fraîchement à notre laboratoire, nous, déjà, en amont, on a demandé des tests en microbiologie sur toutes nos matières premières pour être certain que la matière qu'on va utiliser, elle est très bonne. Et un des deuxièmes secrets, donc premier secret, c'est vraiment Le la qualité des fournisseur et matières. le Voilà. ouais. Le travail de ces hommes et de ces femmes en amont, c'est ensuite la manière dont on va produire. Donc, je ne sais pas si tu es déjà allé visiter un laboratoire de cosmétiques, mais en général, Pas c'est encore. des énormes batchs de tonnes que tu vas pouvoir mettre. Enfin, Ah les plus oui, petits, on appelle des des cuvettes. C'est, cuves. voilà, des cuves en inox assez importantes. Nous, déjà, on va pas du tout travailler comme ça et on va travailler vraiment en flux tendu en fonction de la demande. On va venir comme si on venait faire ton jus d'orange frais pour ta peau. Donc, Ouais. on va travailler sur de l'extra fraîcheur. D'autres outils pour travailler en basse température. Donc, on se rapproche beaucoup plus de la gastronomie, de ce qu'on va faire en cuisine plutôt que ce qu'on va faire dans un laboratoire cosmétique. Mais il n'empêche D'accord. qu'on doit répondre aux mêmes normes au niveau des bonnes pratiques de fabrication de la cosmétique. Et ensuite, il va y avoir toute une façon différente aussi au niveau du conditionnement. Et qu'on est aussi, nous, si tu veux, dans un cycle court de consommation qui est très inspiré, comme tu l'as dit au départ, de l'alimentation, puisque nos soins vont changer tous les 3 mois au Et rythme de oui. la saison, au rythme aussi de ce dont la peau a besoin à chaque saison. Et donc, c'est vrai que le conservateur, il a moins lieu d'être, même si sans conservateur, nos soins, par exemple notre crème, se gardent 2 ans et demi, 3 ans après. Voilà, donc on arrive, mais c'est parce que c'est une autre façon de produire et ça ne correspond pas. J'ai jamais essayé de faire ça avec 10 tonnes de crème. Je ne sais pas si, et probablement qu'il faudrait encore adapter la chaîne de production en amont, mais en tout cas, nous, dans l'ultra qualité qu'on fait, l'ultra fraîcheur, on n'a pas besoin de conservateur. C'est juste que voilà, c'est pas. Il faut revoir toute la chaîne en amont et D'accord. voilà. Oui, et sortir de oui de ce qu'on est habitué de faire depuis des années. Et en fait, vous avez revu tout ça puisque vous avez votre propre laboratoire, encore une fois, pour pouvoir vous challenger et réfléchir différemment, quoi. Absolument. Tu te dirais militante ou engagée? Moi, je me dirais plus engagée. Je salue vraiment les militantes et les militants parce que je pense que il en faut vraiment dans le monde pour pouvoir faire avancer de nombreuses causes. Mais j'ai plus une personnalité, on va dire, d'humain engagé, parce que je suis plus dans l'action et dans le faire pour montrer un résultat qui va servir une cause au final. Mais voilà, donc c'est plus dans ma. Et je pense que quand tu es engagé, voilà, tu. Oui, il y a une notion pour moi en tout cas, d'action. Et dans le militant, tu es vraiment en lutte contre quelque chose, alors que moi, je suis plus dans l'action de ce que je veux. Voilà. Ouais. Puis tu me disais, il y a un peu une nuance peut-être de remise en question possible dans l'engagement parce que on réfléchit au résultat finalement et ensuite on voit de quelle façon on peut y arriver. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont besoin, en fait on a besoin des deux, des militants et des engagés. Et certaines personnes, quand on va venir par un discours assez plus agressif dans le côté militant, vont se sentir agressés et ne vont pas avoir envie de changer. Et je pense que le changement, en plus, il vient vraiment personnellement. Et donc, à chacun de trouver un petit peu le courant qu'il a envie de suivre entre le militantisme et l'engagement. Et c'est vrai que moi, ça me plaît vraiment l'engagement parce que je me sens vraiment dans l'action et j'arrive à chaque fois à embarquer dans cet engagement plein d'acteurs. Et moi-même, je suis embarquée dans dans cet environnement de personnes qui s'engagent autour d'un projet, autour d'une cause, et voilà, et c'est très positif en tout cas. Ouais, mais oui, comme tu dis, c'est complémentaire. En fait, moi, avant, j'avais avant qu'on en parle, j'avais pas vraiment réalisé, tu vois, qu'il y avait une vraie nuance entre ces deux termes. C'est pour ça que je trouvais cette conversation intéressante, parce que oui, en fait, c'est complémentaire et c'est des, il y a le côté lutte en fait dans le terme militant qui est un peu différent. Et justement, toi, tu te présentes comme écopreneur. Oui, c'est encore une fois une façon d'être engagée. Et puis moi, de rester aussi, parce que on fait ça. Moi, ma valeur première, c'est le respect de l'humain. Et si tu respectes l'humain, tu respectes l'environnement. Et je pense que la notion d'écologie, elle est hyper intéressante, même dans la performance d'une entreprise, puisque si tu es écologique dans la manière dont tu vas investir, dans la manière dont tu vas allouer l'énergie de ton équipe, eh bien, en fait, tu vas pas gaspiller des ressources et tu vas pas gaspiller le capital humain, tu vas pas gaspiller tout ça. Et pour moi, c'est vraiment un vrai... Je trouve que c'est plaisant, tu t'épanouis et t'es dans l'efficacité en adoptant cette notion d'écologie, donc écopreneur, ça me va bien. Et puis parfois, je me dis, c'est un peu... T'as l'impression que tu veux donner des leçons. Pas non, c'est vraiment pour. C'est comme si c'était un petit peu, tu vois, ma discipline aussi d'entrepreneur. J'aime bien garder ce terme, mais j'ai pas envie de l'abandonner en tout cas pour le moment. Et si on revient sur le côté militant, ce que je voulais dire aussi, c'est que les militants parfois c'est des mouvements extrêmes. Et pour une personne engagée, ça te permet aussi d'écouter ce discours-là, de réfléchir et de trouver à ton niveau la juste voie pour pouvoir avancer dans ton engagement. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important, même si parfois tu es là, non, mais c'est extrême ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est important, c'est ça qui fait avancer. Ça montre des possibilités et après, comme tu dis, on choisit sa propre voie. Voilà, ça permet d'être plus juste. Oui. Quel a été ton parcours avant de créer Matière Brute Lab, au fait? Alors, mon parcours, c'est j'ai commencé par une école de commerce à l'international. Donc, j'ai eu un double diplôme franco-allemand. C'était en 2000, j'étais diplômée en 2005. Et déjà, à cette époque, j'avais orienté mon rapport, mon mémoire de fin d'études sur la thématique que j'avais trouvée, c'était la responsabilité des entreprises d'emballage, la responsabilité sociétale. Voilà. Donc, à l'époque, on parlait pratiquement pas de RSE. En tout cas, c'était pas du tout, quand tu disais responsabilité sociétale des entreprises, tout le monde te regardait, c'est quoi ça? Le développement durable, c'est quoi ça? Donc, moi, j'avais plein de bouquins là-dessus et ça me passionnait. Et vu que j'avais vraiment envie de m'orienter dans la responsabilité sociale des entreprises, mais à l'époque il n'y avait pas de filière, il n'y avait pas de master de développement durable, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai rejoint Sciences Po Bordeaux pour faire un master 2 de l'économie appliquée, c'était de la gestion de risques, mais risques tout confondus, donc financiers, environnementaux. Environnementaux, humains, donc environnemental et sociétal. Et j'ai réussi à intégrer à côté des cours de RSE, ce qui m'a permis en fait d'avoir un petit peu de choses à revendiquer là-dessus et prétendre à un poste d'analyste en investissement sociétalement responsable. Donc, ça a été mon premier job. Et donc, voilà, je notais des boîtes cotées en bourse sur leurs critères extra-financiers, donc en lien avec la corruption, les droits de l'homme, l'environnement et tout le greenwashing qu'on peut Ah oui. avoir. Voilà. Donc, j'ai étudié leur politique, les moyens qu'ils mettaient en place et les résultats. Et Ah, d'accord. j'étais aux côtés d'une femme très militante, c'était Nicole Notat, donc qui était ancienne secrétaire générale de la CFDT. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis allée la voir et je lui ai dit « J'adore, Nicole, tout ce qu'on fait, mais je me sens trop de l'autre côté de la barrière. Moi, je suis quelqu'un plus, comme on disait, d'engagement, d'action. Et donc, il faut que j'aille créer pour voir en fait c'est quoi la vie. » Enfin, comprendre, mesurer la réalité du terrain. Donc, voilà, j'ai eu un petit parcours professionnel où j'ai travaillé un petit peu dans tout ce qui était, on va dire, un mot, tout ce qui était bien-être au travail dans une entreprise qui faisait de la formation, mais je ne trouvais pas encore ma place et j'étais un petit peu déboussolée. Je ressentais, ça faisait depuis un petit moment que j'étais à Paris et je me sentais complètement déconnectée au sens que je voulais donner à ma vie. Je me suis dit, bah, rien de mieux que de reprendre des études dans l'agriculture. Donc voilà, là je suis partie, c'est le diplôme le plus dur que j'ai pu avoir parce que Ah c'est très oui. complet et c'est très difficile, mais j'ai obtenu mon diplôme d'agricultrice. Pourquoi? Parce que pour moi, l'agriculture, enfin la terre avant tout, ça nous permet aujourd'hui de nous vêtir, de nous nourrir, de nous alimenter, de prendre soin de soi. On parle souvent d'exploitation agricole, donc on Ah exploite oui. la terre. Et cette notion-là, moi aussi, elle m'interrogeait. J'avais beaucoup d'idées de noblesse autour du travail de la terre. Et en fait, en étant dans mes études, je me suis rendu compte que non, il y avait beaucoup aussi de produits chimiques et c'était beaucoup moins noble que ce que je pensais. Et donc, je me suis vraiment questionnée tout au long de ces études-là. Comment on fait pour coopérer avec la Terre pour pouvoir bénéficier de ses fruits tout en lui permettant de se régénérer? Et donc, cet angle-là m'a vraiment plu. Et j'ai pu donc du coup partir avec un diplôme en poche en étant agricultrice, en comprenant beaucoup mieux comment on fait pour aujourd'hui, ça me sert tous les jours, hein, parce que pour Eh toucher oui. une matière première et aller discuter, échanger avec les agriculteurs, les producteurs, les cultivateurs, nos chers paysagistes de notre terroir français, ben c'est hyper important et voilà. Et comme ça, oui, tu as vraiment la connaissance des procédés possibles pour, tu disais, garder la meilleure qualité des ingrédients. Absolument. Tu as évoqué déjà quelques désillusions au cours de ce parcours assez atypique, je pense. On te dit d'ailleurs bravo pour ce parcours riche et très cohérent. Ouais, mais je Merci. pense que c'est assez rare, non? Je sais pas si Merci. tu as croisé des personnes ayant eu ce parcours-là. Pas exactement celui-là, Oui, mais voilà, c'est ça. des personnes qui. Ouais, si, il y a... Je sais pas, tu vois, Corentin de Châtel-Poron, qui fait Nomade des mers. Ouais, non, je me compare pas du tout à lui, parce que lui, c'est mon mentor. Mais quand tu l'écoutes, au départ, il est ingénieur. Et puis, il a fait tout un truc incroyable au niveau des low-tech. Et ça m'intéresse, parce qu'en ce moment, on veut créer le laboratoire du futur chez Matière Brute en exploitant les low-tech. Et lui, il est parti, alors qu'il savait pas naviguer en mer, en essayant d'aller à la recherche dans le monde entier de tout ce qui était low technology, donc qui consommait le moins d'énergie. Ah, C'est passionnant. Mais d'accord. c'est pas du tout, je sais pas, c'est parce que j'ai pensé à lui, mais je pas du tout en comparaison, parce que je ne pense pas En tout cas, oui, à il y a des prétention. personnes comme toi qui, au départ, ont une formation, Ouais. comment dire, un type de formation ou commerce ou autre, et qui ensuite essayent de se reconvertir pour préciser, pour qu'il y ait un sens, en fait, dans Oui, leur. mais c'est sûr. Ouais. Je me rappelle, en école de commerce, on te disait, il faut un fil rouge à ton CV, il faut un Ah fil rouge à ton CV. Je me rappelle au départ commencer en me disant, mais comment je vais créer ce fil rouge? Ah ouais. Surtout quand tu es dans une école de commerce où t'as, moi je me rappelle, je voyais les jobs qu'on nous proposait, c'était pas du tout les jobs qui me faisaient rêver. On me disait, mais je me suis plantée, comment je vais faire? Et puis ouais, voilà, petit Ça à petit, en rebondit. fait, on écoute son cœur, on trouve petit à petit ce qui nous fait vibrer tous les jours. Ouais. Et chaque type d'étude en fait apporte des connaissances qui sont utiles à la fin. C'est ça qui est intéressant. Enfin, Complètement. toutes les expériences au final, même aussi frustrantes soient-elles ou voilà, on se rend compte souvent que mine de rien, ça nous a aiguillés sur autre chose. À fond, que sur le terrain, en fait, sur ce chemin-là, on voit plein de paysages, on comprend plein de choses, on tombe, on se relève, et donc voilà. Mais pour le chemin de matière brute, tu me demandais si j'avais eu des désillusions. Mais oui, Oui. la première, c'est que franchement, je pensais pas créer un laboratoire, et quand tu regardes en fait les bonnes pratiques de fabrication et toutes les normes qui sont en lien avec la cosmétique, ça fait vraiment peur et c'est pas fait pour les petits acteurs, hein. Donc il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc là, je pense qu'il faut être un peu naïf et pas Et avoir peur foncer, ouais. pour se dire, allez, je vais y arriver. Mais Ouais. voilà. Et puis les désillusions, oui, c'est quand j'ai vu. Un peu, mais encore une fois, même sur l'emballage, en ce moment, on est en train de travailler sur un emballage du futur. Mais moi, au départ, je ne suis pas fabricant d'emballage, donc j'aurais bien aimé trouver un acteur qui m'accompagne. Sauf que malheureusement, souvent, tu es un petit acteur, tu n'es pas intéressant, les débouchés pour eux sont pas intéressants, un peu, mais comme tu le vois dans les médicaments, comme dans tout, hein, il y a plein de maladies rares qui on pourrait trouver les remèdes, mais c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas assez de gens malades qui ont cette maladie-là. Donc, du coup, voilà, après, parfois, en plus, tu vois, matière brute a été imaginée en 2014. Quand je parlais de ça en 2014 aux grands acteurs de la cosméto, tout le monde me disait, mais de toute façon, c'est quoi ton marché? Enfin, tu vois, on parlait pas de clean beauty, on parlait pas de. On disait oui, la cosmétique bio, ça monte un peu. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui explose et qui, d'ailleurs, est beaucoup plus performant que l'entreprise conventionnelle, la cosmétique conventionnelle. Eh Donc, oui. ouais. Donc, il y avait un. Mais donc, c'est cette désillusion au départ de, tu vois, où t'as ton petit regard optimiste, où Oui. tu dis, voilà, puis en fait, tu dis, ah non, je vais devoir un petit peu plus faire toute seule que ce que j'avais prévu. Donc Ouais, je vois. voilà, mais bon, c'est pas grave. Et puis finalement, t'es pas tout seul, hein, parce que t'as plein, enfin, autour de par exemple, matière brute, il y a vraiment beaucoup d'acteurs et c'est génial. Et heureusement qu'ils sont là, sinon on n'existerait pas. Mais oui, il a fallu du temps pour les rencontrer. C'est Bah, ouais, ça a pris 2 ans déjà entre 2014 et 2016 pour se rendre compte que tout le monde était là. En 2016, on lance le laboratoire dans un tout petit écrin. Et là, on part pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche et développement, même si on commence très vite les tests marchés, mais vraiment, comme je te dis, avec un site internet, on va beaucoup à la rencontre de personnes, on présente, et puis là, petit à petit, ben, enfin, on se rend compte que les gens deviennent addicts, il y a vraiment une vraie demande. Mais on n'a pas fait notre étude, tu vois, marketing, où on n'a pas du tout suivi le process. Prochainement, je dois donner des cours de marketing dans une école de chimie. Et je me dis, mais je lui dis, mais vous êtes sûr que vous voulez que moi, je donne des cours de marketing? Je dis, oui. Je dis, mais ça va être assez déroutant, hein. Et il me dit, si, c'est très bien. Bon, écoute, je vais, mais c'est une autre approche, vraiment plus de se dire qu'on voulait. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est le développement durable. Et donc, si on fait quelque chose, je me disais, voilà, il faut absolument, parce que je connaissais l'impact de l'industrie de la cosmétique sur la santé et l'environnement. Et Via donc, moi, je notamment voulais. ton métier Voilà. d'analyste. Exactement. Donc, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est si je faisais, si je, enfin, parce que tu peux investir dans tous les secteurs aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses à faire à tous les niveaux. Et donc, là, dans la cosmétique, il y avait vraiment un enjeu santé, environnemental et sociétal. Et donc, une fois que bah, l'idée du départ, en fait, je me suis rendu compte que c'était bon, bah, c'était parti. Après, voilà, là, on commence vraiment à avoir ce concept qui est plus que réaliste, avec une vraie approche au rythme des saisons. Et puis ça va continuer, parce qu'on a le projet de ménager le laboratoire à Vannes et d'avoir quelque chose qui va encore plus loin. Et là, je serai contente d'arriver jusque à peu près au bout du bout du, en tout cas du concept matière brute qui va aller au-delà encore. Voilà. Des projets encore. Et Ouais. quel est le quels sont les enjeux pour tout ce qui est packaging? Tu as évoqué le Ouais. packaging, l'emballage du futur. Exactement. Ben, en 2016, nous, on lance les premiers soins et donc toute la R&D avec la stabilité, la compatibilité. Je voulais absolument trouver un packaging français. Donc, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout a été délocalisé en Chine. Et même le verre, par exemple, français, c'est très compliqué. Notre producteur est italien. Et Ah oui. ouais. En plus, j'ai cette problématique de formule sans conservateur. Donc, il ne faut absolument pas que nous, consommateurs, quand on va venir consommer, on mette nos doigts dans la crème, parce qu'en fait, la première source de Et contamination d'une oui. crème, c'est l'humain. Surtout qu'on fait ça dans une salle de bain, et donc on n'a pas forcément les mains propres tout le temps. Donc, dès que vous voyez en fait un pot de crème où vous pouvez mettre les doigts dedans, c'est que c'est bourré de C'est le pire conservateurs. de ouais. Ah bah oui, Voilà. d'accord. Voilà. Et les conservateurs, entre nous, c'est vraiment un fléau Ah pour oui. notre santé, avec tous les perturbateurs endocriniens qu'on arrive à retrouver dans certains des conservateurs utilisés dans l'industrie de la cosmétique, mais aussi pour nos côtes françaises où on retrouve des poissons intersexués parce qu'il y a trop de perturbateurs endocriniens qui sont déversés à travers nos douches et tout l'usage qu'on voit. Parce qu'il n'y en a pas que dans la cosmétique, il y en a aussi beaucoup dans les produits ménagers et dans plein d'autres choses. Et voilà, donc les perturbateurs endocriniens, ça c'était un vrai combat. Mais pour revenir, tu vois, il faut que tu me ressentes souvent parce que moi, tu sais, je Non, parle t'inquiète pas, trop. c'est passionnant. On était parti sur le packaging du Voilà, futur merci, et merci, merci, merci. Et donc les packaging du futur, donc sans conservateur, il nous fallait un packaging complètement hermétique avec une grosse technologie de airless. Il y a airless et airless. Là, c'est dans les packaging qu'on utilise aujourd'hui. C'est vraiment un flacon, en fait, à l'intérieur. C'est comme comment ça s'appelle? Un bag-in box, comme vous savez, quand on boit du vin et qu'on a du vin en cubi, c'est vraiment une poche qui va se rétracter pour qu'il n'y ait pas d'air dedans et zéro contact avec l'extérieur. Même la pompe, il y a un système de D'accord. clapet, il ne peut pas y avoir de poussière ou de choses qui rentrent à l'intérieur pour vraiment garder D'accord. ce jus d'orange frais complètement intact de toute source de contamination. Donc ça, c'est aussi une clé du sans conservateur. Et ce sont donc des packagings qui sont faits avec des plastiques recyclés. Et donc, au-dessus, on a mis une étiquette biodégradable. Et on a la chance d'avoir un ESAT. Donc, ce sont des personnes handicapées qui ont besoin d'être réinsérées dans notre société et qui travaillent avec nous et qui mettent en fait l'étiquette sur notre packaging. Et donc c'est vrai que donc ça a été une solution, pas la meilleure parce que elle utilise du plastique, même si donc ça faisait partie aussi de mon expérience avant. On a parfois comment dirais-je, des préjugés sur en tout Oui, cas totalement. le plastique et le verre. Le plastique, en fait, si déjà il est recyclé ou recyclable et qu'il est bien remis dans nos bennes de recyclage et de valorisation, ça a une empreinte carbone moins élevée que du verre qui va être très énergivore, que ce soit dans la. Donc, c'est du sable, hein, c'est une énergie aussi qui n'est pas renouvelable, mais qui va demander énormément de consommation pour la produire, pour la transporter aussi, parce que le verre est beaucoup plus lourd et on peut en mettre beaucoup moins. On peut mettre beaucoup plus de plastique dans un camion que de verre qui va demander plus de camions pour pouvoir le transporter. Et donc, quand on fait des analyses de cycle de vie sur ce qu'on a mené entre du plastique et du verre aujourd'hui, c'est pas ouïouïou le plastique. Alors, malheureusement, quand on retrouve le plastique dans notre Dans la nature. environnement, c'est catastrophique parce qu'effectivement, ça va venir énormément polluer. Donc, il y a vraiment un vrai geste à faire quand on a du plastique chez soi, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se retrouve dans les bonnes bennes et dans les bons circuits de recyclage. Donc, Pour moi, le verre et le plastique, ce n'est pas les solutions ultimes. Tous les systèmes, ce que j'avais vraiment étudié aussi, la consigne n'est pas Oui. une, surtout la consigne du verre n'est pas une solution environnementale complètement aussi durable parce que donc, tu envoies ton verre chez la personne, donc ça a un coût de transport et d'impact. Tu récupères ton verre, Eh donc. oui. Pareil, tu dois renvoyer du verre et ensuite tu dois le Oui. nettoyer ton verre. Et pour pouvoir l'utiliser dans la cosmétique, il faut le nettoyer avec des produits qui sont hyper abrasifs, hyper nocifs et qui doivent bien être évacués à un moment donné. Donc, Eh oui. et tu refais partir. Donc il y a vraiment plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est super complexe si tu C'est regardes vrai. vraiment toute l'analyse du cycle de vie. Et donc je me suis dit, non, là, il faut aller au-delà. Donc il faudrait trouver un packaging qui soit vraiment biodégradable, qui utilise des ingrédients qui soient renouvelables, c'est-à-dire que tu peux retrouver d'une année sur l'autre. Ça fait partie aussi de notre cahier des charges. C'est vraiment utiliser que des choses que tu vas pouvoir retrouver dans la nature d'une année sur l'autre. Et aussi qui vont permettre ben, toujours ce sans conservateur, tout ça. Donc ça demande beaucoup de réflexion et on est dessus Oui. depuis un moment, mais on s'approche de trouver quelque chose qui pourrait Ah. être une vraie solution qui serait biodégradable et bien biodégradable par le consommateur lui-même, parce que souvent on te parle d'un Ah. packaging biodégradable Oui. qu'il faudrait insérer dans une filière en France qui n'existe pas. Ah, Donc, d'accord. si tu mets ton pot biodégradable dans la nature, il ne va pas se biodégrader comme ça. Tu peux aller voir sur le site de l'ADEME, c'est expliqué. Donc, il faut. Oui. C'est complexe tous ces sujets-là. Ouais, il n'y a pas de Et bonne quand on. solution Ouais. encore. Pas encore. Il faut juste bien évidemment avoir le moins d'emballage possible et essayer d'utiliser des emballages. Bah, tu vois, derrière, c'est du carton recyclé avec, pareil, c'est des encres végétales et c'est fait de papier d'herbe et tout. Donc, on essaye, nous, Oui. de réfléchir à tous ce qu'on va utiliser en tout cas. Mais la question, il faut éviter de faire du greenwashing autour de tout ça et se poser des questions. C'est des ingénieurs qui se penche sur la question aussi. C'est complexe, en tout cas, ces analyses de Ouais, c'est cycle de un vie. énorme challenge. Oui, d'accord. L'analyse Absolument. du cycle de vie. Et en fait, quand parfois on entend simplement, ah bah le verre, et moi je l'ai déjà dit cette phrase, hein, le verre c'est recyclable à l'infini, Bah, bah moi c'est pas aussi. si simple que ça en fait, parce qu'entre-temps faut le transporter et ça utilise du sable au départ. Ouais. Ouais, et puis c'est pas ça, c'est hyper énergivore, donc c'est pas Oui, une d'accord. solution ultime. Ouais, je vois. Ouais, intéressant. En fait, on ne peut pas avoir de certitude. C'est Et ça souvent. surtout, c'est vrai que même, tu vois, dans aujourd'hui, tous les débats autour de l'énergie, quelle est la bonne énergie qu'il va falloir utiliser pour demain, quand tu vois que même les ingénieurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, c'est très Ouais. compliqué. Donc, il faut avoir de l'humilité, de chercher. En tout cas, moi, on cherche et on se pose plein de questions. Tous les jours, on remet en cause aussi certaines de nos croyances et des dogmes qu'on peut avoir. Et puis essayer de. À notre échelle d'apporter bah, une petite pierre. Ouais. Ah bah Voilà. c'est très louable en tout cas. On vous souhaite bonne Merci. chance du coup, puisque c'est en effet des enjeux assez essentiels. Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta marque en ce moment? C'est ma petite question incontournable justement de beauté imaginée. Alors là, dans mon placard, non, mais il y a, je dirais, un ou deux, mais je veux dire. La première, quand tu me fais penser à ça, c'est aussi une huile végétale de la marque Oui. Océopin. C'est de Ah. l'huile de pépins de pin du Cap D'accord. Ferret, qui est bio. Ils sont les seuls à l'avoir et je pense qu'ils ont un brevet là-dessus. Sur Je le pense pépin que. de pin, c'est ça le Ouais, brevet? ouais, Ah, ouais. C'est d'accord. ça. Et donc, ben, ça vient vraiment de ces forêts de pin. Dedans, tu as des C'est comme figues les qui pignons? pressent. Voilà, les pignons, merci. Je ne trouvais pas mes mots. Et ça fait une huile super agréable. Et c'est un petit bijou, hein, parce que je ne sais plus le prix, mais je sais que je l'ai eu. Et je trouve que cette huile, elle est vraiment géniale. Et j'aime bien la personne qui s'appelle Anne-Sophie de la marque En douceur. En, Ah plus loin oui. douce et plus loin heure. C'est une femme voilà incroyable qui fait des choses très minimalistes. On n'a pas exactement la même approche sur la provenance ou les ce qu'elle utilise, mais n'empêche que c'est très sympa ces soins à utiliser. Intéressant. Eh bien, nous passons à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque dans Beauté Imaginée, l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Chers auditeurs, c'est à vous de participer. Il y a trois infos à deviner concernant ma belle invitée Annabelle. Son âge, son secret pour ses mèches depuis l'enfance et ce qu'Annabelle aime collectionner sur les plages d'Atlantique. Dites pas que j'ai 65 ans, hein, s'il vous plaît. Alors, ce que je dis toujours, c'est que si on te vieillit en n'ayant pas ton visage, c'est que, en fait, ton expérience est tellement riche qu'elle traduit, tu vois, un âge avancé. Alors, voyons voir. Je dirais qu'Annabelle a 40 ans, sa technique pour les cheveux, c'est de mettre un œuf dessus et qu'elle collectionne les couteaux de mer. Est-ce qu'il y a au moins une bonne réponse ou pas du tout? Non, malheureusement. Rien du tout. Et nous avons également 28 ans. Elle utilise des ingrédients végétaux pour ses mèches et elle collectionne des bouteilles de parfum. Non plus, mais c'est rigolo. J'imagine, oui, ce serait un peu triste en même temps de se dire qu'on collectionne des bouteilles, mais bon, il doit y en avoir, c'est sûr. 39 ans. Il y a quelqu'un... L'Eurocris 155 qui collectionne les coquillages. Coquillages. Ouais. Alors, révélation. Eh bien, ouais, je vais rebondir sur ce que dit l'Eurocris 155. Et donc, c'est depuis petite, je collectionne les. J'en ai toujours partout autour de moi. Donc là, je viens d'en choper un sur mon bureau. C'est des petits grains de café. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est des, oui. c'est des porte-bonheur qu'on collectionne de. Génération en génération, et en fait, on nous apprend tout petit à les voir. Et moi, c'est vrai que sur une plage, je marche et je peux voir tu que les ça. Direct. Je suis super, super forte. Ah ouais, t'es pour les trouver. Et en fait, pourquoi on les collectionne? Parce que c'est des gris-gris, des porte-bonheur, et à chaque fois qu'on en trouve un, on a le droit de faire un vœu. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance dans la vie, peut-être. Mais voilà. Mais en fait, c'est bien un coquillage, mais qui a le nom grain de café, mais ça n'a rien à voir avec le café, on est d'accord. Ça ressemble à, ça se voit, mais quand même à un peu un grain de café. Et t'en as, ça, c'est la grosseur de sur nos plages atlantiques, ils sont comme ça, mais t'en trouves pas vraiment sur les plages. De la Méditerranée, mais après plus loin, t'en as des énormes exotiques et ça, je les collectionne moins parce que c'est vraiment ces petits là qui. Donc tu peux m'inviter un mercredi soir à ton prochain dîner si tu veux que je te parle de ma passion pour les grains de café. D'accord. voilà. Tu fais bien référence au film. Au dîner de con. Voilà. Ouais. Tu m'avais dit ça par mail, j'étais pas sûre que. Non, c'est joli. Puis tu peux les utiliser en bijoux. Oui, carrément. C'était la mode. À un moment donné, tout le monde les avait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai dû déjà faire des bijoux avec et tout. Mais c'est vrai que là, j'en ai un peu partout dans mes portefeuilles, dans mes poches, partout. Ouais, j'en ai partout. Ah, voilà. C'est drôle. Mais c'est trop agréable. C'est hyper. C'est comme hyper. Ouais, mais à chercher, chasse, ça te fait. Oui. À chasse, je peux y rester 4 heures. Hein, ça me pose. Et, mais il voilà, y en a autant que ça. Ben moi, oui, j'en trouve beaucoup. Ah ouais, d'accord. C'est pas un de temps en temps, c'est si tu te poses, t'en vois plein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais il y a des coins à grains de café. Oui. Hein. C'est vraiment, tu le vois tout de suite, en fait, aux autres, c'est beaucoup d'observations. Tu vois, je vois si c'est un terrain ou pas à grains de café en fonction des algues qui vont être présentes et en fonction des autres coquillages aussi et de la couleur du sable qui va m'aider aussi à les percevoir davantage. D'accord. Voilà. Ah oui, mais on rejoint ta sensibilité vraiment pour la nature. Oui, t'es à fond, tu peux en parler longtemps. Exactement. Non, mais c'est très marrant. Et du coup, tu as un secret pour avoir des cheveux méchés depuis l'enfance? Eh ben, j'ai pas vraiment de secret. C'est vrai que ma maman, souvent dans la rue, avait des remarques, mais oh là là, vous lui faites faire des mèches ou. Mais non, c'est à son âge. Ouais, à son âge, toute petite déjà. Et en fait, c'est mon cheveu qui est hyper, je pense, sensible au soleil et à la lumière. Et donc, j'ai vraiment des mèches qui peuvent devenir très, très blanches, blondes. Et c'est rigolo parce que ça fait vraiment souvent on croit que je fais des balayages ou des choses comme ça. Ah oui, j'ai déjà essayé. Très assidu. J'ai déjà essayé, mais voilà, mais pas du tout en fait. Et donc, je sais qu'il y a des choses naturelles qui permettent, notamment la camomille, à se pulvériser, l'hydrolat de camomille, surtout quand on s'expose plus l'été au soleil ou au printemps. Et ça aide vraiment à éclaircir naturellement les cheveux et à augmenter la brillance avec du vinaigre de cidre. Ça, j'ai déjà essayé aussi, mais c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir Avoir besoin de faire besoin de ça ça, pour avoir ce c'est côté rayon de naturel. soleil dans les cheveux. Ouais, ah, trop bien. Voilà. Et quel âge Et as-tu? ah ben, j'ai alors 37 ans encore et je vais avoir Ouais. 38 en mai. Voilà. Et tu disais, Matière Lab a été créée en 2014. Oui, Matière Brute Lab, dans ma tête, Pardon, Matière Brute 2014, Lab. ouais, en même temps que mon premier enfant. Et puis, officiellement, déclaré en 2016, le laboratoire a été vraiment réalisé, D'accord. hein, voilà, lancé en 2016. Ouais. Exactement. Bon, bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Chers auditeurs, après live, je vous posterai la photo mystère de Annabelle sur mon fil d'actualité. On arrive donc à la fin de notre émission de Beauté Imaginée autour de ces soins naturels, sans conservateur et aux ingrédients de saison, Matière Brute Lab. Merci encore, Annabelle, c'était super instructif. Merci à toi et merci à Marion d'Oden aussi de m'avoir mentionné. Et oui, tout à fait. Ouais, c'est ça nous a permis, je pense, d'avoir beaucoup de pistes de réflexion, de voir que tout n'est pas noir ou blanc, comme on dit, et qu'il y a encore beaucoup de travail, en fait, sur ce milieu des cosmétiques. Absolument. Et toutes les personnes qui ont envie de nous aider à réfléchir à demain. Nous, on adore, enfin, moi, j'adore les rencontres et j'adore échanger avec les Ouais. personnes. Donc, je suis vraiment ouverte à réfléchir et à échanger, à découvrir les Les opinions autres des uns et des autres. approches. Ouais. Pour une prochaine interview de beauté, imaginez ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité. Il y a une personne que j'aime bien et qui vient de se lancer, Maison Aden, c'est Julia du Sartel. Qui a fait des shampoings en poudre que tu peux retrouver dans les bouteilles. Et elle est vraiment, elle a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est bretonne et c'est une chouette femme inspirante. Et voilà, donc Ah ouais. Julia du Sartel. Très bonne idée. Eh bien, on se retrouve pour ma part lundi 13h sur Instagram pour imaginer ma belle invitée qui est une Miss. Je vais vous faire deviner dès demain sur Instagram la région qu'elle représente toute cette année 2023 et on parlera de son approche de la beauté. Merci encore Annabelle et puis à bientôt dans Beauté Merci beaucoup Imaginée. à toi et merci à tous tes auditeurs et à ceux qui ont imaginé des choses bien, bien, bien Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez.